Votre sélection débutera après cette publicité. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Frank Sinatra, quand chanson rime avec perfection. Je n'écoute que deux chanteurs, Frank Sinatra et Nat King Cole, parce que pour moi, c'est les deux professionnels de la chanson. Ils n'ont jamais été égalés. Ils ont eu la chance, non seulement d'avoir une belle voix, de grands interprètes, ils ont eu l'époque la meilleure avec de grands auteurs comme Cole Porter, des compositeurs. Ils ont eu les meilleurs orchestres. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont eu le top du top. Alors, quand j'ai quelque chose à écouter, je n'écoute que ces deux-là parce qu'au fond, c'est la perfection. Parce que le professionnalisme de Sinatra est extraordinaire parce que je vous assure que j'ai, pour ainsi dire, décortiqué ces disques et je m'en suis inspiré parce que vraiment, c'est un homme qui savait ce que c'est la prononciation, ce que c'est la respiration, la diction. Et le swing, vous voyez, il était complet, lui et Nat King Cole. Et pour moi, ça n'a jamais été égalé. Le chanteur Henri Salvador à l'émission Les Refrains d'abord en novembre 2003. Que dire de plus au sujet de Frank Sinatra, sinon que c'est un géant, que son importance est telle dans la culture populaire américaine qu'il fait partie, avec quelques autres, des figures iconiques qui ont contribué à construire l'identité de ce pays et à nourrir aussi l'imaginaire collectif américain au 20e siècle. Pour nous présenter cet extraordinaire parcours qu'est celui de Frank Sinatra, je reçois l'animateur de l'émission C'est si bon, présenté à Ici Musique, Claude Saussier, qui a accepté de participer notre série d'émissions où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qui les passionnent. Claude Saussier, bonjour. Hey, bonjour. Et ce sujet, Frank Sinatra, pour ne pas le nommer, il vous passionne. Ça relève de quoi? Pourquoi il est si important pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce que d'abord, pour moi, la musique, il faut que ça nous rejoigne et que ça crée des émotions. La plupart des chanteurs, des chanteuses réussissent, mais Sinatra, c'est autre chose. Ça a été le plus grand. Ce que vient de dire Henri Salvador, écoute, il a résumé vraiment. Sinatra, c'était un travaillant, un travailleur. Tu sais, le vieux cliché qui dit 5 % de talent puis 95 % de sueur, ouais. C'était en plein ça. Il s'imbibait de tout ce que les autres faisaient et réussissait à le transposer, ce qui fait qu'il est devenu l'incarnation du self-made man américain du 20e siècle qui part de rien puis qui va monter au plafond rapidement, ouais. Avec juste beaucoup, beaucoup de travail. Et quand tu écoutes son travail, c'est tellement beau. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never. Gros bosseur, je veux bien être l'autre Saussier, mais ce qu'on vient d'entendre, la voix, son succès, c'est probablement quand même d'abord et avant tout sa voix. On le surnommait d'ailleurs la voix, The Voice. Ouais, The Voice. Comment la décrire, cette voix qu'on vient d'entendre chanter un petit bout de They Can't Take That Away From Me? C'est une voix qui module. Ouais. C'est une voix qui donc interprète. C'est toute la nuance dans la chanson entre un bon et un interprète ordinaire. Je vais vous donner un exemple qui est très gros, Bing Crosby. Okay? Oui. C'était l'idole de Sinatra, parce que ça a été le premier chanteur solo. Ça n'existait pas avant. C'est arrivé avec chanteur de chambre. Chanteur de chambre. C'est arrivé les chanteurs avec le microphone amplifié. Avant, il n'y en avait pas. Alors, et Sinatra écoutait la radio, puis il disait, ça, c'est le... je vais faire sur moi. Mm-hmm. Alors, ce qui est arrivé avec Sinatra, c'est que contrairement ou en plus de Bing Crosby, joli thème de voix, mais il était complètement modulé. Il y avait beaucoup de couleurs dans la voix de Sinatra. Il allait chercher toutes les couleurs, la joie, la peine. Il disait, Sinatra, je fais des chansons de saloon. Puis là, il expliquait sa chanson de saloon. Les gens ne comprenaient pas le concept. Il disait, c'est le gars à 2 h du matin à côté au bar, puis qui a perdu sa femme. Puis il dit, je la retrouverai jamais. Puis là, il écoute ma chanson. Puis il braille. Puis il remet 25 sous dans, 10 sous dans le jukebox. Alors, la voix de Sinatra, elle avait toute cette palette de couleurs que personne d'autre n'avait. Une voix, donc, avec cette palette de couleurs incroyable et aussi une manière de chanter. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know? Ce qu'on entend, Claude Saussier, Young at Heart, c'est un merveilleux exemple de la manière, le phrasé Sinatra, la manière de chanter. Parlez-moi de ça. Il est au sommet. Fin 1958, Young at Heart, c'est un exemple parfait. Il est vraiment là au sommet. Il a vieilli, il a mis beaucoup de tabac et d'alcool sur sa voix. Elle a pris de la profondeur, de l'usure. Et là, quand il fait Young at Heart, c'est exactement le Sinatra merveilleux. Il parle à une jeune fille, il parle à n'importe quelle femme, et sa voix mord dans les syllabes, ou encore, elle les adoucit. Quand il dit au début « fairy tale », Fairy Tale, c'est un conte de fées. Ouais. Il le prononce comme si ça venait du ciel. Fairy. Hein? Puis ensuite, il se met à courir sur les voyelles. Young, heart, heart. Et moi, je ne suis pas un chanteur, mais c'est pour illustrer. Quand il dit young, ce n'est pas normal. Il le fait en sautant sur la voyelle parce que jeune, c'est important dans la chanson. Ouais. Quand tu es jeune de cœur. Alors, c'est ce qui se passe dans cette chanson où il est vraiment là. Il a repris sa carrière après ses échecs du début des années 50. Et là, il est dans une poussée qui va durer 10 ans. Il gagne $1 million par semaine. C'est incroyable. Et ça, on va y revenir à cet âge d'or. Puis c'est vrai qu'Young at Heart incarne ça parfaitement. Mais d'abord, petit retour. On va commencer par le commencement, par les tout débuts. I'll never smile again until I smile at you. What good would it do for tears would fill my eyes, my heart would realize that our Never Smile Again, ça, c'est le premier succès de Frank Sinatra à Claude Saussier. Parlez-moi de ça, de cette période-là, du Sinatra des débuts. Comment ça commence pour lui? Bien, Sinatra, il rêve de chanter comme soliste. Il est à Hoboken, dans le quartier italien. Et il voit Manhattan de l'autre côté, puis il entend les grands chanteurs à la radio, puis il dit, je vais en faire un. Il a réussi, après beaucoup d'efforts et de travail, à se faire embaucher par Harry James. Harry James, qui allait devenir, il était pas rendu, mais il allait devenir un très bon orchestre de swing. Ouais. Et un jour, quelques mois plus tard, Harry James, il lui le payait $75 par semaine. Ça s'est su que Tommy Dorsey cherchait un chanteur solo. Et finalement, la femme à Dorsey a dit, j'ai entendu ce jeune homme-là, oh, il est bon. Je saute des grands bouts, là, parce que... Ouais. Mais il a été embauché par Tommy Dorsey, mais il est le chanteur du groupe avec les Pied Pipers. Et quand arrive I'll Never Smile Again, il a vraiment appris très vite, parce que c'est un grand travaillant. Alors, dans les coulisses, il regardait respirer Tommy Dorsey pour savoir comment il tirait ses notes. Il a tellement bûché les années Tommy Dorsey, qui ont été juste 2 ans, qu'il a monté sa tonalité de 2 tons, Sinatra, mais a travaillé très fort. Ouais. Et quand il arrive en 1940, en après-midi, pour cette chanson, une chanson d'une Canadienne d'ailleurs, Ruth Love, qui a écrit cette chanson, Tommy Dorsey fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il donne la vedette au chanteur, c'est-à-dire que c'est le chanteur qui amorce. À cette époque-là, les big bands, c'était les solistes qui étaient les virtuoses, et les chanteurs étaient imposés par le public. C'est le public qui en voulait. Ouais. Alors, il les plaçait sur la fin de la chanson. C'est la plupart de ces grandes chansons-là sont toutes faites de même. Mais Dorsey sentait déjà, après quelques concerts, que quand Sinatra arrivait sur scène, ça s'agitait. Il y avait un bruit de fond dans la salle, tellement son charisme était fort. Il lui donne la première portion de la chanson, donc il l'a fait tous, mais Sinatra, et il est tellement bon qu'il réussit à se détacher des Pied Pipers qui l'entourent. Et quand la dernière note arrive, si on écoute la chanson au complet, la voix de Sinatra se fusionne sur le trombone de Tommy Dorsey. C'est exceptionnel. Et ça, ça présage de ce qui va suivre. La place que Dorsey lui fait à l'avant-scène, parce que assez vite, là, vers quoi, 43, il va décider de... Deux ans à peu près, grosso modo. Ouais, il veut être solo. Il veut être solo parce qu'il sent qu'il est capable d'être solo, puis il veut prendre la chance. Mais il y a un contrat avec Dorsey. Et Dorsey ne veut pas le laisser partir. Alors, il y a une grosse dispute avec Dorsey. Dorsey, qu'il traitait comme son fils. Ouais. Puis Frank le regardait comme son père. Mais là, il voulait se voler de ses ailes. Dorsey a dit, OK, on va changer ton contrat. Je vais te laisser partir, mais je vais gérer tes affaires. Puis il signe un contrat que Sinatra a signé. Il prenait 43 % de tous les gains de Sinatra pour toute sa vie. Hey, hey, hey. Alors, Sinatra est prêt avec ça. Il s'est en allé. Il a commencé à faire des disques. Ça payait bien. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que c'était fait avoir. Ouais. Puis à un moment donné, un ami d'Hoboken, dans les environs de la mafia, a téléphoné à Dorsey. Et il a dit... Et ça s'est réglé. Ça s'est réglé. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'il amorce sa carrière, mais elle explose d'une façon exceptionnelle et très, très rapidement. Il y a Benny Goodman qui raconte un soir de concert charité ou je sais pas quoi, parce qu'il était très engagé dans les bonnes causes Sinatra toute sa vie. Il va sur scène, puis il va chanter, puis c'est Benny Goodman qui va l'accompagner. Benny Goodman, il sait pas c'est qui ce jeune-là. C'est le roi du swing, Benny Goodman. Et quand Sinatra, il joue à la radio, là. Il est déjà maintenant connu, ça fait 2 ans, mais ça roule. Et quand Sinatra entre, la salle hurle. Et là, Benny Goodman se prépare à diriger son orchestre puis dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas joué encore. » Les gens voient arriver Sinatra et ça s'agite. C'est le premier rock star de toute l'histoire. Ça, c'est donc les années 40. Ouais. Ça l'a dit, la fin des années 40, début des années 50, il y a comme un petit glissement pour lui. Vous parliez, on a évoqué un petit peu la mafia. Ça commence à jouer un peu contre lui, là, cette association qu'on fait. Ouais. Il a tous les journaux de Randolph Hearst sur le dos. C'est-à-dire, c'est des journaux à potins à l'époque. On appelle ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, là, des journaux artistiques de Randolph Hearst. Et on le suit, on l'a pris en grippe parce qu'il mène une vie déjà très, très active avec les femmes et pas mal d'alcool déjà, mais c'est surtout le service militaire. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale et Frank est exclu du service militaire. Les journalistes de Randolph Hearst le photographient dans les coulisses avec parfois des personnages qui ressemblent à des gens de la mafia. Ensuite, comment ça se fait qu'il n'a pas fait son service militaire? Et il lâche pas. Ça lâche pas et ça lâche pas à tel point que Frank, il est arrivé de frapper des journalistes, ce qui améliorait pas son image. Sa carrière s'est mise à péricliter à la fin des années 40, puis au début des années 50, il vend pas un disque. Ouais. Il perd même son contrat chez Columbia. Et c'est Ava Gardner qui va être sa deuxième femme de mémoire? Sa deuxième et la seule qu'il a vraiment aimée. C'est elle qui va le sauver, finalement. Ben, il vivait avec elle, il l'a épousée, mais ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. C'était deux grands cas. Ils s'adoraient. Et Ava Gardner dit dans sa biographie, c'était l'homme de ma vie, mais on ne pouvait pas vivre ensemble. Mmh. Mais ils se sont suivis toute leur vie. Et quand elle a été malade, la générosité de Sinatra, plus tard, ils ne vivaient pas ensemble. C'est lui qui payait tous les soins sans qu'elle ne le sache. Mais au début des années 50, il vit avec elle, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et il tape du pied, puis tout à coup, il voit qu'il y a un film qui va se tourner. From Here to Eternity, puis c'est un jeune Italien d'Hoboken qui est là-dedans dans un des rôles, il dit « C'est pour moi ». mais il n'a jamais vraiment joué. Et il fait beaucoup de pression. Le réalisateur lui donne des... Parce qu'il est connu quand même, lui, ouais. Des auditions. Le réalisateur le trouve pas pire, mais le producteur dit non, j'en veux pas. Ce gars-là, l'alcool, les femmes, il est fini, il n'y a plus de disque qui roule, ouais. J'en veux pas. Et finalement, il y a encore un chum de la mafia qui a téléphoné puis qui a dit au producteur, écoute... ta compagnie, c'est à nous. Fait que tu vas prendre Sinatra. Alors... Et ça, c'est un tremplin fabuleux. Ouais. Il gagne un Oscar pour... Il gagne un Oscar parce qu'il avait du talent. C'est ce qu'il faisait, Sinatra. Il a appris à respirer avec Tommy Dorsey. Il l'a observé. Comment il étirait ses notes de trombone. Il a appris à articuler avec Billie Holiday. Il s'était lié d'une grande amitié avec Billie Holiday. Et c'est elle qui lui a dit comment articuler ses phrases, ses mots, ses chansons. Et il a appris à bouger avec Gene Kelly, parce qu'il a fait du film avec Gene Kelly. C'est Gene Kelly qui lui a montré à se déguinder. Et c'est pour ça qu'il était si puissant sur scène. Quand il prenait un micro et qu'il fermait les yeux, les femmes avaient l'impression qu'il les tenait par le cou. Ouais. Et là, c'est parti. La fin, donc milieu des années 50, les années 60, c'est les grandes années, c'est l'âge d'or, c'est les succès l'un après l'autre, les disques formidable l'un après l'autre. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Fly Me to the Moon, ça fait partie des chansons que Sinatra enregistre dans les années 60. Début 60. Il est au pic là, de sa carrière, Claude Sauci, à ce moment-là. Écoute, ça va tellement... Il fait 5 à 6 à 7 micro-sillons par année. Chacun rentre sur le Billboard d'indice numéro 1 des ventes tout le temps. Alors, il fait de l'argent, c'est incroyable, mais il a perfectionné son art à une... On ne peut pas imaginer comment il s'est travaillé. Il ne lisait pas la musique, il ne lisait aucune note de musique, mais il était capable de déceler... Parce que souvent, il travaillait avec des orchestres de 40 à 50 musiciens. Ouais. Il était capable d'entendre une fausse note sur un violon à quelque part, d'arrêter, d'écouter, non, lui, là-bas, c'est pas ça. Il avait une perfection du talent. Et quand il fait « Fly me to the moon », c'est la vogue, on s'en va dans l'espace. Mm. Mais quand il dit « Fly me to the moon », il parle toujours aux femmes. Il n'est pas en train de dire « Bravo aux astronautes ». Ouais. Il parle aux femmes. « Viens avec moi, on va partir loin, on va aller à Acapulco. » C'est ce que raconte la chanson. Ce qui est intéressant de cette période-là, où les succès se suivent l'un après l'autre, c'est qu'il travaille avec différents arrangeurs. On ne l'a pas dit, mais il est bipolaire, Frank Sinatra. Oui, oui. Et ça s'entend dans sa musique et dans le choix. Je travaille avec celui-là pour telle chanson, je travaille avec cet autre-là pour telle autre chanson. Ça venait avec les disques. Il faisait, mettons, un disque 12 chansons très tendres, Close to You, par exemple. C'est mon album préféré, Close to You and More. Ou il suivait avec un album endiablé. Alors oui, il était bipolaire, mais il savait aussi trouver les arrangeurs. Ouais. Quand il a commencé avec Dorsey, tout de suite, Alex Turdall s'est mis à lui dessiner des chansons. C'est comme ça que j'appelle ça, parce que les bons arrangeurs connaissent la voix, la tessiture, les tonalités, la façon de réagir d'un chanteur comme Sinatra. Et Alex Turdall était parfait, à tel point que quand Sinatra a déchiré son contrat avec Dorsey, il est parti avec Turdall, qui est venu avec lui. Par la suite, il a rencontré Nelson Riddle. Ça a été une des grandes rencontres de sa vie, parce que Nelson Riddle, c'était vraiment l'arrangeur moderne qui faisait toutes les chansons en fonction de Sinatra. Il l'appelait en pleine nuit, Sinatra, puis il disait à Stardoll, il le réveillait à Stardoll, à Nelson Riddle, parce qu'il avait une grande culture musicale, Sinatra. Ouais. Tu n'avais pas lire la musique, mais il disait, écoute, j'aimerais ça que telle chanson, ça ressemble un peu à tel extrait de Puccini, à telle place, là, l'orchestre descend, puis le chanteur fait ça. J'aimerais ça que ça ressemble à ça un peu. Il était comme ça, donc il était perfectionniste et... imbattable au niveau de l'oreille. Un petit mot, Claude, sur Sinatra et le pouvoir. On a fait déjà une émission là-dessus avec Karine Prémont, mais je vous dirais de deux manières. Il côtoie les hommes de pouvoir. Vous avez un peu parlé de la mafia. Il n'est pas dans la mafia, mais la mafia est autour de lui. Oui. Ça, c'est une forme de pouvoir. Puis évidemment, le pouvoir politique. C'est quelqu'un qui va côtoyer 3 présidents. Un petit mot là-dessus, et qui correspond à son engagement aussi. Il aimait ça. Il aimait le pouvoir. Ouais. Il rêvait d'être près de la Maison-Blanche, et ça a été sa grande déception quand Kennedy les a trahis, entre entre guillemets, parce que c'est la mafia qui avait fourni beaucoup d'argent. Alors, il aimait le pouvoir, il avait travaillé pour Roosevelt, il a travaillé pour Kennedy, il a travaillé ensuite pour d'autres présidents, jusqu'à Ronald Reagan, ouais. etc. Et c'est Reagan qui l'a entré à la Maison-Blanche, c'était son rêve. Il adorait le pouvoir, Sinatra. Il aimait côtoyer ces gens de pouvoir-là, et la mafia, pour lui, c'était la même chose. C'était le pouvoir aussi. Ouais. Puis le pouvoir politique est jamais très loin du grand pouvoir de l'argent et de celui de la mafia. On sent tout ça. Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. J'ai pris ça dans une biographie qui est la biographie des biographies, à mon avis, qui est celle de Stephen Jezo Vanier, écrite en français. Ce n'est pas une traduction. Frank Sinatra, une mythologie américaine. C'est vraiment excellent. Et moi, je ne peux pas dire que j'ai raison dans tout ce que je dis, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce qu'on raconte dans ces biographies. Ouais. C'est déjà presque la fin de l'émission. Pour parler de son héritage, je pense que il n'y a pas meilleure chanson que celle qui suit pour justement nous lancer, nous catapulter dans cet héritage-là. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my C'est en 68 que Frank Sinatra reprend cette chanson « My Way ». Il y a quelque chose de la chanson « Testament » quand on entend ça de l'autre soucier. En même temps, 68... Il est ami carrière. Ben voilà. Il décide, il nous dit qu'en 71, c'est fini, hein, dernier concert. Ouais. Mais effectivement, il y a des années encore qui vont suivre. La chanson est tellement grandiose qu'elle ne convient qu'à lui dans l'histoire, dans le texte, dans le fond, parce que qui peut prétendre... avoir vécu comme il le raconte, My Way, c'est... Moi, j'ai beaucoup de mal à entendre d'autres versions de My Way que la sienne, parce que c'est lui, c'est tout lui. Vous connaissez l'histoire un peu de My Way, comment la chanson a été, est arrivée à lui? Allez-y. Il était en Floride, en plein souper d'affaires, entre guillemets, avec quelques bons de la mafia de Miami, quand son ami Paul Anka est arrivé avec la musique de My Way. Il y avait juste la musique, il y avait la chanson, mais Paul Anka l'a trouvée insignifiante, la chanson. Il l'avait achetée à Paris. Ouais. Il avait entendu, il l'avait achetée. Comme d'habitude. C'était comme d'habitude, mais la musique, il disait quelque chose. Puis Sinatra, qui a pas mal bu ce soir-là, dit « je quitte ». Parce que c'est la fin de l'époque rock. Là, on est en pleine époque rock, puis on s'en va dans le heavy metal, puis c'est bien populaire. Le Sinatra, il dit « je quitte, j'abandonne, c'est terminé. Il n'y a plus de place pour moi là-dedans ». Alors, Paul Anka est parti chez lui à New York, et en une nuit, il a écrit « My Way ». Parce qu'il dit « s'en va », puis c'est ça que ça fait. Et cette chanson-là lui appartient. Il y a une personne que j'ai jouée, que je peux jouer à l'émission « C'est si bon » qui la chante, et il l'a complètement déshabillée, puis il l'a dit, c'est Willie Nelson. Et un enregistrement tout récent, d'il y a 2 ou 3 ans, quand tu écoutes la chanson « My Way » par Willie Nelson, tu dis « ben là... » Il y a quelque chose. On retrouve... On retrouve l'intensité de l'expression dans la chanson « My Way ». Ouais. Claude Saussier, vous l'avez fait à votre manière, mais c'était formidable, ce portrait de Frank Sinatra. Évidemment, c'est impressionniste et partiel. On aurait pu faire 2 heures. Animateur de l'émission, c'est si bon. Merci infiniment, Claude. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de jaser un peu. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. It was my...